revient tard. Pars vite. Il revient tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Pars vite. Et revient tard. Pars vite. Dixième et dernier épisode. Persuadé que le diamant qu'il porte au doigt est la marque du semeur, Adamsberg a fait arrêter Damas. Lors de sa garde à vue, celui-ci n'a rien avoué. Mais les analyses de ses papiers ont révélé qu'il usait d'un faux nom et qu'il avait fait 5 ans de prison pour homicide. La nuit suivante, un homme se croyant directement menacé par le tueur est venu se livrer à Adamsberg. Il lui a raconté l'horrible forfait accompli 8 ans auparavant et qui serait à l'origine de cette vague vengeresse. Le téléphone portable de Damas a par ailleurs révélé l'existence de Clémentine Courbet, dite Manet, sa grand-mère vivante à Clichy, foyer de l'épidémie de peste en 1920. Alors, elles sont pas bonnes, mes galettes ? Très bonnes. J'ai même excellente. Honnêtement, ça doit bien faire 40 ans que je n'ai pas mangé des galettes aussi bonnes. Trêve de conneries. Vous m'avez amené là, maintenant. Je veux voir mon petit-fils où il est. Un instant, Clémentine. J'ai d'abord quelques questions à vous poser. Eh ben, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Venez vous asseoir. Je vous en prie. Danglars, prenez la déposition. Clémentine, pourquoi la peste? Les journaux sont maîtres de la peste. Il ne faut pas s'attaquer à un journal, c'est tout. Sinon, les journaux lui envoient la peste. Ils sont maîtres du grand fléau. Vous reconnaissez ces victimes? Victimes? Mon cul. Des bourreaux, oui. Des bourreaux, c'est vrai. Des tortionnaires. Ils peuvent claquer. Plus ils claquent, plus Arnaud revit. Ils lui ont tout pris. Ils l'ont réduit plus bas que terre. Il faut bien qu'Arnaud revive. Et ça, c'est pas possible. Tant que cette chienlit reste sur terre. Mais il en reste, Clémentine. Non. Le boulot est terminé. L'ennemi est dans la place. Vous pigez, commissaire? Les deux prochains crèveront, quoi qu'il arrive. C'est trop tard pour eux. Terminé. Ils seront morts, tous les 7. Les 7? Les 5 tortionnaires. La fille cruelle et le commanditaire. Chez moi, ça fait 7. Vous êtes au courant ou vous n'êtes pas au courant? Damas n'a pas parlé. Normal. Il ne pouvait pas parler avant que le boulot soit terminé. Comment vous l'avez trouvé? Par son diamant. Il le cache. Je l'ai vu. Ah, vous avez des connaissances? Arnaud est l'héritier de son arrière-grand-père et de la bague. Il fallait qu'il relève la tête, comme Émile, pendant l'épidémie. La prison ne vous fait pas peur? Pour vous, pour Damas. La prison? Vous plaisantez, commissaire? Arnaud et moi, on n'a tué personne. Alors qui? Les puces, pardi. Lâcher des puces infectées, c'est comme tirer sur un homme. Elles n'étaient pas forcées de piquer, minute. C'est le fléau de Dieu. Il tombe où bon lui plaît. Si quelqu'un a tué ses dieux, vous comptez pas l'embarquer, Dieu des fouailles. Oh, mon Arnaud. Wesner, préparez-lui la cellule d'à côté. Descendez un matelas du vestiaire et installez-la aussi confortablement que vous pourrez. Elle a tout de même 98 ans. Bien, commissaire. Cette affaire de meurtre, selon les dernières informations de la police, le semeur n'aurait pas agi seul. Il semblerait qu'une entreprise d'une telle envergure ait nécessité l'action de plusieurs personnes. Tiens, voilà le traître. Marie-Belle n'est pas là. Elle est malade. Elle est couchée. À cause de vous. Sortez Damas de là, commissaire, vous faites erreur. Damas est un pacifique, un tendre. Il a jamais tué personne, jamais. 5 minutes de cambrai. Je vais vous raconter une histoire. Vous permettez que je m'assoie parmi vous? En 1918, Émile Journaud, chiffonnier de son état, revient sain et sauf de la guerre de 1914. Il s'embalance. Mais attends, Lisbeth, qu'est-ce que tu racontais? 4 ans de front sans une blessure, autant dire un miraculé. En 1915, le chiffonnier a sauvé la vie de son capitaine en allant le rechercher, blessé, dans le No Man's Land. Le capitaine, avant d'être évacué sur l'arrière et en témoignage de sa gratitude, a donné sa bague au 100 grades Journaud. Non, commissaire, on n'est pas là pour se raconter des vieilles histoires du bon vieux temps. Noyez pas le poisson. Et Damas dans tout ça. Mais l'histoire de Damas est une vieille histoire du bon vieux temps, Eva. Je reprends. La bague du capitaine porte un diamant, plus gros qu'une lentille. Démobilisé en 1918, il retourne dans sa misère à Clichy, mais il ne vend pas la bague. Pour lui, la bague est salvatrice et sacrée. 2 ans plus tard, une peste éclate dans sa cité où elle ravage une rue entière. Mais la famille Journaud, Émile, sa femme et leur fille Clémentine, 5 ans, est épargnée. On murmure, on accuse. Émile apprend du médecin qui visite la cité dévastée que le diamant protège du fléau. Mais c'est vrai cette connerie? C'est vrai dans les livres. Avancez, Adamsberg, ça traîne. Émile Journaud est accusé de diriger la peste, de la semer peut-être. On n'a rien à battre de cet Émile. C'est l'arrière-grand-père de Damas, Lisbeth. Menacée de lynchage, la famille Journaud fuit la cité Optoul en pleine nuit, la petite sur le dos de son père, traversant les décharges où agonisent les rats pesteux. Le diamant les protège. Ils se réfugient, sains et saufs, chez un cousin à Montreuil et ne regagnent leur ancien quartier qu'une fois le drame achevé. Leur réputation est faite, les Journaud, autrefois honnis, font figure de héros, de dominants, de maîtres de la peste. Leur histoire miraculeuse devient la gloire des chiffonniers et leur devise. Émile s'entiche définitivement de sa bague et de toutes les histoires de peste. Sa fille, Clémentine, hérite à sa mort de la bague, de la gloire et des histoires. Elle se marie et élève fièrement sa fille, Roselyne, dans le culte du pouvoir Journaud. Cette fille épouse Hélère de Ville. On s'éloigne. On se rapproche. Hélère de Ville? L'industriel de l'aéronautique? Il va le devenir. À l'époque, c'est un gars de 23 ans, ambitieux, intelligent, violent, et il veut bouffer le monde. Et c'est le père de Damas. Damas s'appelle Viguier. Ce n'est pas son nom. Damas s'appelle Hélère de Ville. Mais le père est un coureur. Il mène plusieurs vies, n'est jamais à la maison. La mère fait une dépression nerveuse. Le petit Arnaud est élevé par sa grand-mère, Clémentine, à Clichy. C'est elle qui console l'enfant, l'encourage. Elle fortifie en lui ressassant les glorieux faits de ses parents. Après l'abandon du père, la célébrité de la famille Journaud devient l'unique force de Damas. Quand il atteint ses 10 ans, Clémentine lui confie solennellement la bague et, avec ce diamant, le pouvoir de commander au fléau de Dieu. Ce qui était encore un jeu pour le garçon s'ancre dans son esprit et devient un formidable instrument de vengeance, encore symbolique, contre une enfance sinistrée. Quel est le rapport? À 18 ans, Damas est un jeune homme chétif, mal foutu, mal poussé. Il devient physicien pour surpasser son père, probablement. Il est lettré, latiniste, scientifique, cultivé et surdoué. Et il a un fantôme dans la tête. Il s'acharne et se lance dans la branche aéronautique. À 24 ans, il découvre un procédé de fabrication qui divise par 100 les risques de faille dans un acier alvéolé léger comme une éponge. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je n'ai pas tout suivi, mais cet acier présente un intérêt extrême pour la construction aéronautique. Damas a découvert un truc à 24 ans? Parfaitement. Et il a l'intention de le monnayer très cher. Un type décide de ne rien monnayer et d'arracher tout bonnement cet acier à Damas, ni vu ni connu. Il lance sur lui 5 hommes, 5 chiens sauvages qui l'humilient, le torturent et violent sa petite amie. Damas crache le morceau, perdant en un soir son orgueil, son amour et sa découverte et sa gloire. Un mois plus tard, sa petite amie se jette par la fenêtre. Accusé d'avoir défenestré la jeune fille, il prend 5 ans qu'il finit de purger il y a un peu plus de 2 ans. Et pendant tout ce temps-là, Damas n'a rien dit. Il préparait sa vengeance. À l'époque des faits, il n'était pas de taille à lutter contre ses tortionnaires. Mais 5 ans plus tard, c'est tout autre chose. Damas le malingre sort de tôle avec 15 kilos de muscles, déterminé à ne plus jamais entendre parler d'acier de sa vie entière et omnubilé par cette revanche. En prison, on s'omnubile facilement. C'est presque le seul recours qu'on a. Il sort et il a 7 personnes à tuer, les 5 tortionnaires, la fille qui les accompagnait et le commanditaire. La vieille Clémentine a eu le temps de remonter leur piste et tous deux, ils sont prêts. Pour tuer, Damas se tourne, bien sûr, vers le pouvoir familial. 5 viennent d'y passer, il en reste 2. C'est pas possible. Damas et sa grand-mère ont tout avoué. Les rats, les puces et les vieux bouquins sont toujours dans le grenier de la grand-mère à Clichy. Les enveloppes ivoire aussi, tout le matériel. Mais il dit les avoir tués, lui-même? Non, il dit que les puces pesteuses les avaient tués. Si l'histoire est vraie, je vais pas lui donner tort. Mais Damas ne peut pas tuer. Ou je rends mon tablier de conseiller en chose de la vie. Allez le voir si vous voulez, de Cambrai. Lui et sa manée, comme il l'appelle. Il vous confirmera tout ce que je viens de vous raconter. Danglars. Oui. Je file chez Marie-Belle, rue de la Convention. Elle n'était pas au Viking ce soir. Vous savez pourquoi? Pareil qu'elle est malade. C'est louche. Je vous rappelle. Commissaire, il y a quelque chose qui cloche. C'est vrai. Il y a quelque chose qui cloche. Le charbon. Ah, vous savez. Ouais. Une énorme bévue pour un fin pestologue. Et je ne suis pas certain que les 2 zics qui restent à tuer vont s'en sortir. Mais Damas et sa grand-mère sont en cage, non? Même. Danglars, Marie-Belle n'est pas malade. Elle avait un rendez-vous. Avec qui? Je ne sais pas. Un jeune homme. Plutôt joli garçon. Son amant? Peut-être. Non, elle lui fait la bise. On n'embrasse pas son amant sur les joues. Alors qui? Antoine, attends. Antoine. Antoine? Son frère. Quoi? Il y a un autre frère? Il vit à Romorantin. Elle lui envoie des SMS tous les jours. Ça nous fait une belle jambe. Il s'en va. Envoyez-moi 2 agents en renfort, Danglars. Je le suis. Et 2 autres en surveillance chez Marie-Belle, 102 rue de la Convention. Entendu. Le foulard. Monsieur, vous avez perdu ça. Oui, merci. Excusez-moi, vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Il est 21h10. Je cherche un bon bistrot dans le coin. Vous connaissez le quartier? Non. Excusez-moi. Attendez. Police. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me voulez? Contrôle d'identité. C'est quoi? Ah. Vous vous appelez Antoine Urfin, c'est ça? Oui, parce qu'il faut que je vous aide à lire aussi. Vous connaissez Marie-Belle L.R. de Ville? Je sais pas de quoi vous parlez. Laissez-moi, je suis pressé. Vraiment? Et qu'est-ce que vous avez à faire de si urgent ce soir? Mais laissez-moi enfin. Vous êtes taré ou quoi? Un problème, commissaire. Rattrapez-le. Non! J'ai pu parler à la mère. Elle n'en fait pas mystère, au contraire. Antoine Urfin est bien le fils d'Hélaire de Ville. Né 8 ans après Damas, enfant non reconnu. Elle lui a donné le prénom du père. Leur condition de vie, pauvre? Disons démunie. Antoine travaille chez un serrurier. Il loge dans une petite chambre au-dessus de la boutique. Et l'air de ville... Parfait. Et le physicien torsionnaire, vous avez pu avancer dessus? Ça y est, je l'ai coincé. Les aciers Messelé à 3, très grosse boîte installée dans la zone industrielle, fournisseuse numéro 1 pour les flottes aériennes. Marché mondial. Grosse prise, Danglars. Messelé en est le propriétaire? Oui. Romain Messelé, ingénieur en sciences physiques, directeur de laboratoire, chef d'entreprise et détenteur exclusif de 9 brevets d'invention. Dont un acier ultra léger quasiment infissible. Non fissible. Oui, entre autres. Il a déposé ce brevet il y a 7 ans et 8 mois. C'est lui, Danglars, le commanditaire du supplice et du vol. Ce n'est pas tout, commissaire. il y a un autre enfant illégitime des Lairs de Ville à Romorantin. Qui ? Maribel. Elle est née 2 ans avant Antoine. C'est une Urfin, elle aussi. Quoi, elle n'est pas la sœur de Damas ? Sa demi-sœur. Elle ne le connaissait pas avant de débarquer chez lui à Paris il y a 1 an. Qui est parti au domicile de Maribel ? Noël, Favre. Ils n'ont pas fait signe ? Pas que je sache. J'y vais. S'il vous plaît. Voilà, voilà. Oui, je viens voir Maribel Urfin, police. C'est quel étage ? C'est vous le commissaire Adamberg ? Oui. Tenez, elle a laissé cette lettre pour vous. Pour moi ? Pour le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Cher commissaire, je ne vous écris pas pour vous arranger les choses. Vous m'avez prise pour une idiote et moi j'aime pas trop ça. Si j'écris, c'est pour Antoine. Je viens de voir par la fenêtre que vous lui étiez tombé dessus. Soyez gentil avec lui. C'est un fragile. Je veux que cette lettre soit lue à son procès parce qu'il est responsable de rien. C'est moi qui l'ai dirigé de bout en bout, qui lui disait qui, où et comment il devait tuer. Il n'a fait que m'obéir comme toujours. Il déteste Damas autant que moi, mais il est incapable de manigancer quoi que ce soit. À part obéir à la mère et au père quand il lui en collait une, tout ce qu'il savait faire enfant, c'était d'étrangler les poules et les lapins pour passer sa rage. Forcément, il n'a pas changé. Notre père, c'était peut-être le roi de l'aéronautique, mais c'était surtout le roi des salopards, il faut que vous sachiez ça. Il avait un premier fils, un déclaré, qui a été élevé dans la soie à Paris. Je parle de ce timbré de Damas. Nous, on était la famille honteuse, les prolos de Romorantin, et il a jamais voulu nous reconnaître. Question de réputation, il disait. Question fric, il n'en lâchait pas une à maman, juste de quoi survivre, parce qu'il avait peur que les voisins se posent des questions. Quand il s'est pulvérisé au-dessus de l'Atlantique, avec Antoine, on s'est dit qu'on voyait pas pourquoi on n'aurait pas droit à une part du fric, déjà qu'on n'avait pas le nom. Je suis arrivée à Paris avec juste cette idée. Annoncer à Damas que j'étais sa demi-sœur, pleurer misère et me faire accepter pour partager le magot. Le Damas, il est tombé comme une poire en 2 jours. Il m'a ouvert grand les bras avec la larme à l'œil. Et quand il a appris qu'il avait un demi-frère, pire encore. Il m'aurait mangé dans les mains, cette andouille. C'est plus tard que je me suis rendu compte que Damas était timbré. Comme il avait besoin de soutien et qu'il m'avait à la bonne. Comme il avait besoin de soutien et qu'il m'avait à la bonne. Il m'a raconté tout son plan de dingo. Sa vengeance, la peste, les puces et tout le tintouin. J'étais au courant de tous les détails. Il m'en parlait des heures. Les noms des types qu'il avait retrouvés, les adresses et tout. J'ai pas cru une seconde à ces histoires de puces tueuses. Mais forcément, j'ai changé de plan. Pourquoi on aurait eu les 2/3 alors qu'on pouvait avoir tout ? Il suffisait de laisser Damas faire ses salles à Malek et nous, on tuait par derrière. Si on terminait son idée, le Damas partait en taule à perpète. Lui, il restait persuadé que c'était sa force journaux qui fonctionnait. Pauvre idiot. Je l'aurais eu jusqu'au bout si vous aviez pas appliqué. Ne vous cassez pas la tête à essayer de me retrouver. J'ai déjà repéré les 2 types à vous qui faisaient le guet en bas. Je vais me déguiser avec un habit que Lisbeth m'avait donné un jour pour une fête. S'y verront du feu. Mais oubliez pas Antoine, surtout. Prenez soin de lui. Il y est pour rien. La bise à Lisbeth et à cette pauvre cloche d'Eva. Vous avez tout fait foirer, mais j'aime bien votre genre. Sans rancune. Maribel. Maribel. Ils sont pas morts de la peste. Non, ils sont morts étranglés par ton demi-frère, Antoine Urfin. Étranglés et passés au noir. Ça ne t'a pas étonné, ces marques d'étranglement, ce charbon ? Si, mais j'ai cru que la police inventait ça pour cacher la peste, pour pas affoler les gens. Antoine passait derrière toi et les liquidait. Et Maribel le dirigeait ? Oui. Je croyais qu'elle m'aimait. Moi aussi, je le croyais. Tout le monde le croyait. C'est comme ça qu'on s'est tous plantés. Commissaire ? Ah, Danglars, vous tombez bien. Appelez le docteur Ferres pour Damas, cas d'urgence. Et prévenez Interpol pour Maribel. Un espoir ? Non, trop maligne. Vous lui direz pas, hein? À qui? À Manet. Vous lui direz pas que ces puces, elles donnaient pas la peste. Ça la ferait mourir. Je suis pas un tueur, Damas. Et toi non plus. Pense bien à ça. Qu'est-ce qu'on va me faire? Tu n'as tué personne. Tu n'es responsable que d'une trentaine de boutons de puces et d'une panique populaire. Alors? Alors le juge ne poursuivra pas. Tu peux sortir aujourd'hui. Maintenant, si tu veux. C'est lui? Non. Lui, c'est l'assassin. Grosse affaire de famille, Ferrez. Il sera probablement interné en asile psychiatrique. On ne dit plus asile de Damsberg. Mais l'autre, là. Réinsertion dans le monde réel. Une chute très douloureuse. C'est le type au fantôme? C'est lui. Alors, je n'avais pas raison pour Damas. Si. Vous êtes un bon conseiller de Cambrai. Je savais bien qu'il ne pouvait pas tuer réellement. Un calva? Volontiers. Bertin, deux calvas, s'il vous plaît. Tout de suite. Vous voyez du Quiddick. Damas a fait 50 tôles pour un crime qui n'existait pas. Aujourd'hui, il est libre pour des crimes qu'il a cru commettre. Maribel est en fuite pour un carnage qu'elle a ordonné. Antoine sera condamné pour des meurtres qu'il n'a pas décidés. La faute et l'apparence de la faute, hein? Oui. On en est tous là, non? Voilà. J'ai pas touché à cette petite fille, Adamsberg. Les trois gamins étaient sur elle, dans les toilettes. J'ai frappé comme un sourd, j'ai soulevé la petite. Et j'ai sorti de là. Les témoignages m'ont accablé. Je sais. C'est ce que vous pensiez? Oui. Alors vous feriez un bon conseiller? Allô? Lisbonne, hôtel Saint-Georges, chambre 302. Maribel? Camille. Comment vous le savez, donc là? Je l'ai fait suivre. Depuis cette fameuse nuit. Mais elle ne doit jamais la prendre. Par un flic? Par Villeneuve, un ancien du 5e. C'était votre collègue? Un messager des dieux. Oh! Camille! Pardon, je... 12! Pars vite et reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière. Pars vite et reviens tard. Est paru aux éditions Viviane Ami. 10e épisode. Avec Marina Golovin. Jean-Quentin Châtelain. Serge Ranco. Claude Aufort. Philippe Duquesne. Julien Lucas. Rosine Favet. Judith Chemla. Rislaine Elcohen. Emeline Bayard, Patrice Bornand, Vincent Nemeth, Éric Caruso, Arnaud Churin, Paul Brévim, Charles Evaco, Taïdi Roisine, Olivier Claverie. Vite, reviens. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Sébastien Labarre. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Cédric Ossier.